Pour t'orienter, ça te souhaitera longue vie à la mort. Comme cette pute qui a des vues sur le dernier l'air, tiens à la mode. Alors ça pique, rave la plus pure et dans le battle bro. Qui rêve d'un futur mais qui ne vit que dans le bas tableau. Ici tout est inutile, rien d'unitif. Les pensées sont primitives, les expéditions punitives. Patrice de cardinaux, y'a que des loups, des marginaux. Des mecs pariants, des gros salaires via tous les casinos. Et comment tout ça va se finir au bout du compte. J'ai hâte, mais plus je compte, plus je rêve millions au bout du monde. Se laisse pas border par les tics. C'est vrai, c'est pathétique, les voix de nos darons résonnent. Mais on se laisse porter par les types, à leur vie sans eux. Les endettés à qui t'as prêté, Mickey préfère se payer des vestes à 800 œufs, des grosses transacts, des hauts garçons, des grosses actions, des coups de feu en guise de négociation. J'ai dit les plus prêchés, déçu, j'ai rempli armoire de péché. Que changera une rangée de plus, j'l'ai baisé puis changé de puce. Sa mort elle me fait chier. J'ai dit les plus prêchés, déçu, j'ai rempli armoire de péché. Que changera une rangée de plus, j'l'ai baisé puis changé de puce. Sa mort elle me fait chier. Ici les journées s'enchaînent, ça pose sa voix sur la piste. Frère, quelques regrets, quelques fils de pute sur la liste. Et pour chaque fois c'est pareil. Encore des mauvais payeurs, des bons garçons qui ont endossé le rôle de mauvais players. Les petits en ont plus rien à foutre d'aller au bac. Le message est opaque, plus fâche Loki sur les zodiacs. Ça veut brasser sans chanter. Les ambitions sont en chantier, meurs enchantées. Sa petite ta mère enchantée. Très peu de confiance dans les rapports. Peux prendre ta place sans les apports. J'ai pas dealé sans les accords. Mauvaise action mais va pas croire que tu vas réparer. Chacun ses barres et va pas croire que tu vas démarrer. Sur un gros coup et les frères commencent à s'emballer. Mais les frères finissent par s'emballer. Pour que leur embarre on s'emballe. Ça se fume et laisse des plumes. Et les remparts finissent désemparés. J'ai dit les plus prêchés, déçu, j'ai rempli armoire de péché. Que changera une rangée de plus, j'l'ai baisé puis changé de bus. Sa mort elle me fait chier. J'ai dit les plus prêchés, déçu, j'ai rempli armoire de péché. Que changera une rangée de plus, j'l'ai baisé puis changé de bus. Sa mort elle me fait chier.